Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, Gaumet du Pré 1860. Question 12. De la connaissance de Dieu. Vision de l'essence divine, comment elle s'opère, ses effets, de quelle manière on y parvient, rôle de la raison et de la grâce. 1. Une intelligence créée peut-elle voir Dieu dans son essence? Il est écrit dans saint Jean, « Nous verrons Dieu tel qu'il est » Jean 3:2. Donc une intelligence créée peut voir Dieu dans son essence. Quel est effectivement l'être le plus intelligible et le plus saisissable en lui-même, sinon celui qui a le plus d'existence actuelle? Dieu, qui est une actualité pure et en qui rien n'est à l'état seulement possible, est, conséquemment, souverainement intelligible en soi. Il est vrai, une chose souverainement intelligible en elle-même peut, précisément par l'éclat de sa splendeur, se dérober à l'intelligence créée. Mais il n'en est pas ainsi de l'essence divine, car s'il nous était interdit de la voir, il faudrait dire de deux choses l'une, ou que nous n'arriverons jamais au souverain bonheur, ou que le bonheur parfait se trouve ailleurs qu'en Dieu. Deux assertions qui contrediraient également la foi et la raison. D'abord la foi, qui nous enseigne que la perfection dernière de la créature raisonnable consiste dans la source même de son être, et que plus elle s'en approche, plus elle se perfectionne. Ensuite la raison, par laquelle nous savons qu'il y a en nous un désir naturel de connaître la cause des effets qui sont devant nos yeux. Il est impossible qu'un tel désir, d'où naît le sentiment de l'admiration, soit vain, et cependant il le serait si notre esprit ne devait jamais s'élever à la cause première des choses. Tout le monde doit donc reconnaître que nous sommes appelés à voir Dieu même et à contempler sa divine essence. Note. Nous ne voulons pas dire par là que nous comprendrons Dieu, qui est incompréhensible, le voir en lui-même, ce n'est pas le comprendre. Cette question de la vision de l'essence divine est amplement traitée dans le supplément, tome 4, question 92, alinéa 1. Fin de la note. 2. Sera-ce par quelque similitude que nous verrons Dieu ? Notre intelligence, on ne saurait le nier, est une similitude dérivée de l'intelligence suprême, et, sous ce rapport, on pourrait soutenir que nous verrons Dieu par une similitude, c'est-à-dire par notre faculté visuelle qui, quand on parle de la grâce, de la gloire ou de la nature, est toujours une image de la suprême intelligence. Mais, du côté de l'objet qui s'unira à elle, il est certain que ce ne sera pas une similitude créée qui lui donnera la vue de l'essence divine. Quelle est, en effet, l'image créée qui pourrait représenter la divine essence? Nous l'avons observé ailleurs, on n'arrive pas même par les images corporelles à la connaissance des esprits. À bien plus forte raison n'arrivera-t-on jamais par elles à voir l'essence de Dieu. Y a-t-il une ressemblance créée qui puisse montrer une essence qui est son être à elle-même? Les similitudes prises au sein de la création sont toujours limitées par quelque endroit, comment représenterait-elle l'être illimité qui renferme en soi d'une manière suréminente tout ce qu'un esprit peut nommer et comprendre? Dire qu'on verra Dieu par une image ou par quelque similitude, ce serait dire qu'on ne le verra pas dans son essence. Quoi qu'il en soit, nous convenons que, pour voir Dieu en essence, notre intelligence a besoin d'une lumière divine qui lui imprime une certaine ressemblance avec Dieu même en la fortifiant de manière qu'elle puisse soutenir l'éclat de la divine essence. Et c'est en effet ce qu'insinue cette parole du psalmiste. Dans votre lumière, Seigneur, nous verrons la lumière, mais nous n'admettons pas qu'une similitude créée doive nous faire voir l'essence divine, par la raison simple qu'il n'y en a aucune qui puisse la représenter telle qu'elle est. 3. Dieu peut-il être vu des yeux du corps? Personne, dit très bien saint Augustin, n'a jamais vu Dieu, comme nous voyons les choses sensibles, des yeux du corps. Ce qui est incorporel ne saurait effectivement tomber sous nos sens, ce qui est immatériel n'est perçu que par notre esprit. Ainsi Dieu ne peut être vu ni des yeux de notre corps, ni par aucune de nos facultés sensitives. Note. Job disait, « Je verrai Dieu dans ma chair », Job 19:26. Cela est vrai, mais Job veut exprimer qu'il verra Dieu après la résurrection des corps. Il n'en résulte pas qu'il verra l'essence divine avec les yeux de son corps. Isaïe a vu Adonai, Osias, sur un trône élevé, Isaïe 6, 1. Mais on doit savoir que l'Écriture nous montre les choses divines sous l'image des choses sensibles. La vision imaginative ne voit pas l'essence de Dieu, elle voit seulement certaines formes qui sont produites pour la représenter par des similitudes. Fin de la note. 4. L'intelligence créée peut-elle voir l'essence divine par ses propres forces? Quand l'intelligence créée voit l'essence de Dieu, ce n'est point par ses propres forces. La vie éternelle, nous dit saint Jean, consiste à vous connaître, vous, le seul vrai Dieu. Jean 22:3. Ce qui marque que la vie éternelle consiste à connaître Dieu. Or, nous lisons dans saint Paul, la grâce de Dieu, c'est la vie éternelle. Romains 6, 23. Si la grâce de Dieu est la vie éternelle et que la vie éternelle soit de connaître Dieu, c'est par la grâce, et non par nos propres forces, que nous arrivons à voir l'essence divine. Toute connaissance s'opère par la présence de l'objet connu dans l'être connaissant, qui, toutefois, ne l'embrasse que selon sa nature propre, de sorte que la connaissance chez les êtres suit le mode de leur nature. Lors donc que le mode d'être de la chose connue dépasse celui de l'être qui la connaît, la connaissance que celui-ci en acquiert dépasse nécessairement ses forces naturelles. Par là il est aisé de voir qu'il n'y a que l'intelligence divine qui soit capable de connaître naturellement l'être subsistant par soi. Aucune intelligence créée n'étant son être à elle-même, une telle connaissance dépasse la portée naturelle de toutes les créatures. Ainsi l'esprit créé ne saurait connaître l'essence divine si Dieu-même ne s'unit à lui par sa grâce, en se rendant un objet intelligible. Cette vérité s'applique aux anges aussi bien qu'à nous. Note. La présomption, mère de l'erreur, se trouve arrêtée quand on voit que l'intelligence ne peut mesurer toute la nature divine, alors l'esprit humain recherche la vérité avec plus d'humilité. Somme contre les gentils 5, c'est à bon droit que les vérités inaccessibles à la raison sont proposées aux hommes comme objet de foi. Fin de la note. 5. Faut-il une lumière créée pour voir l'essence de Dieu? Que l'intelligence créée ait besoin d'une lumière créée pour voir l'essence divine, c'est une vérité certaine. Dans votre lumière, dit le psalmiste, nous verrons la lumière. Psaume 35, 10. Tout être qui s'élève au-dessus de sa sphère naturelle doit y être disposé par une force d'une autre nature que la sienne. C'est pourquoi, lorsque les intelligences créées voient Dieu en essence et que l'essence même de Dieu devient intelligible pour elles, il faut qu'elles reçoivent une vertu surnaturelle qui les dispose à cette vision béatifique dont elles sont incapables par là même qu'elles sont finies. Nous avons dit, en effet, que la grâce seule peut leur donner ce pouvoir. Cette augmentation des forces intellectuelles, nous l'appelons illumination, comme nous nommons lumière l'objet intelligible qui la produit. Cette divine lumière est désignée dans ces paroles de l'Apocalypse, la clarté de Dieu illumine la cité céleste, Apocalypse 21, 23, c'est-à-dire la société des bienheureux qui voient Dieu. Et les effets de cette lumière, qui sont de nous donner une forme divine en nous rendant semblables à Dieu, sont marqués dans cet autre passage, nous savons que, lorsque Dieu nous apparaîtra, nous lui serons semblables. Jean 3, 2. Note. La lumière créée qui procure ainsi à l'entendement la puissance de voir l'essence de Dieu ne rend pas cette essence intelligible, car elle l'est par elle-même, mais elle augmente notre faculté intellectuelle. C'est ainsi que la lumière physique est nécessaire à la vue des objets extérieurs. Cette lumière de gloire n'est ni une image, ni un miroir, mais elle est un moyen à l'aide duquel on perçoit sans intermédiaire l'essence infinie. Fin de la note. 6. Parmi les bienheureux, les uns voient-ils l'essence divine d'une manière plus parfaite que les autres? Une étoile, dit saint Paul, diffère en clarté d'une autre étoile. 1 Corinthiens 15, 40. Cette inégalité des bienheureux au sein de la gloire provient de ce qu'ils possèdent à des degrés divers la lumière qui leur confère la faculté surnaturelle de voir Dieu. Celui qui participe davantage à la lumière de la gloire voit Dieu plus parfaitement. Chacun y participe à proportion de la charité qu'il possède, car, où il y a plus de charité, le désir est plus ardent, et le désir rend plus apte à recevoir l'objet désiré. Celui-là donc qui aura plus d'amour verra mieux et sera plus heureux. Note. Mais, dit-on, nous verrons Dieu comme il est. 1 Jean 3 2. Or, Dieu n'est que d'une manière, donc nous le verrons tous de la même manière. Nous le verrons tous comme il est et de la même manière, à savoir, par essence, immédiatement, en lui-même, soit. Mais non pas en toute perfection, ni également, l'intelligence de chacun sera glorifiée à des degrés divers. Fin de la note. 7. Arrive-t-on à comprendre Dieu? Jérémie disait avec raison, « Vous êtes grand, Seigneur, incompréhensible à la pensée. » Jérémie 32, 19. Comprendre une chose, c'est la connaître parfaitement, autant qu'elle puisse être approfondie, c'est en savoir tout ce qui peut en être connu. Il est assurément impossible à un esprit créé de connaître l'essence divine aussi parfaitement qu'elle peut être connue. Dieu, qui est l'être infini, peut être connu infiniment, quelle intelligence créée peut arriver là? Aucune. Rappelons-nous que l'esprit, pour voir Dieu, a besoin d'être éclairé par la lumière de la gloire, lumière créée, reçue dans un esprit créé, non infini par conséquent. C'est pourquoi il est de toute impossibilité que l'intelligence créée ait de Dieu une connaissance infinie, et partant qu'elle le comprenne. Note. Un Dieu qui pourrait être compris ne serait pas le Dieu véritable, mais un Dieu imaginé par l'homme. Qu'on avance tant qu'on voudra dans l'infini, on ne trouvera jamais les limites de ce qui n'en a point. C'est une mer sans fond et sans rivage. L'incompréhensibilité de la nature divine lui est tellement propre que, refuser de croire en Dieu parce qu'il est incompréhensible, c'est refuser de croire en Dieu parce qu'il est Dieu. Frayssinous. Fin de la note. Quel est donc le partage des bienheureux au céleste séjour? Le voici, ils voient Dieu, ils le possèdent, ils sont assurés de le voir et de le posséder toujours. Ils jouissent de Dieu comme de la fin dernière qui remplit tous leurs désirs. Tels sont les biens que l'apôtre souhaitait quand il disait « Je poursuis ma course pour comprendre » Philippiens 3 2. Courez comme moi, afin que vous compreniez aussi. 1 Corinthiens 9 24, c'est-à-dire que vous saisissiez, que vous possédiez Dieu et que vous en jouissiez. 8. Ceux qui voient Dieu en essence voient-ils tout en lui? Voir Dieu en essence, ne croyons pas que ce soit voir tout en lui. Il est bien vrai qu'on voit les choses en lui comme elles y sont, mais plusieurs y sont virtuellement comme dans leur cause, et celles-là, on les y voit comme on voit les effets dans une cause. Or, il est évident qu'on voit d'autant plus clairement les effets dans une cause qu'elle est mieux connue, si bien que, pour en connaître tous les effets, il faut la comprendre parfaitement. Mais comprendre totalement Dieu, cela n'est pas accordé aux intelligences créées. Aucune ne connaît, par la vue de l'essence divine, tout ce qu'elle fait ou peut faire. Seulement, selon qu'on la voit plus ou moins parfaitement, on connaît plus ou moins les œuvres divines. En un mot, pour connaître tout ce que Dieu contient et reflète dans son essence, il ne suffit pas de le voir, il faudrait le comprendre. La créature raisonnable, il est vrai, a naturellement le désir de connaître les choses capables de perfectionner son intelligence. Mais il n'est de la perfection de l'intelligence créée ni de connaître tous les êtres en particulier, ni de savoir leurs pensées et leurs actions. Lui importe-t-il davantage de connaître les choses possibles? Ô Dieu, s'écrie saint Augustin, qu'il est malheureux l'homme qui sait tout, et qui cependant vous ignore, mais heureux celui qui vous connaît, quand il ignorerait tout le reste. Celui qui vous connaît et qui sait les choses finies n'est pas heureux par elles, c'est seulement par vous qu'il est heureux. Confession livre 5 chapitre 4, malheur à la science qui ignore Dieu. Ces paroles montrent que Dieu seul, principe de tout être et source de toute vérité, suffit pour combler notre désir de connaître et nous procurer la félicité. 9. Ceux qui voient Dieu dans son essence y voient-ils les choses par des images? Comme les élus admis à voir Dieu par essence ne le voient pas par des images, ce n'est pas non plus par des images créées qu'ils voient les choses en lui, mais c'est par l'essence divine unie à leur intelligence. Tout ainsi que l'on voit du même regard le miroir et les objets qu'il réfléchit. Dieu, pour l'œil glorifié, est un miroir intelligible par lequel les choses sont vues dans leur première cause ou elles préexistent par leur ressemblance. 10. Ceux qui voient l'essence divine y voient-ils simultanément tout ce qu'ils voient? Ce qu'on voit dans l'essence divine, on le voit simultanément, tout à la fois, d'une seule vue, et non successivement. Veut-on, à cet égard, entendre saint Augustin, nos pensées, dit-il, n'iront plus d'une chose à une autre pour revenir ensuite à la première, elles ne seront plus mobiles, nous verrons en même temps, et d'une seule et même vue, tout ce qui fera l'objet de notre science. Ce qui nous empêche aujourd'hui de comprendre beaucoup de choses à la fois, c'est que nous les concevons sous plusieurs idées. Supposons que ces formes diverses puissent se réduire à une seule et même espèce, à une idée générale, alors nous les percevrions simultanément sans difficulté. Le tout et ses parties peuvent servir d'exemple. Quand les parties d'un tout s'offrent à notre esprit revêtues d'une idée particulière, nous les percevons successivement. Mais voilà qu'elle s'offre comme ne faisant qu'une seule et même espèce avec le tout, eh bien, dans ce point de vue général, nous les percevons toutes à la fois. Or, nous avons fait observer tout à l'heure qu'on voit les choses en Dieu, non pas sous leurs images propres et directes, mais d'un seul regard, par l'essence divine où elles préexistent comme dans leur cause virtuelle. Les bienheureux, conséquemment, les voient simultanément, et non d'une manière successive. 11. Des sept vies, voyons-nous Dieu par essence? Je réponds, l'âme humaine, tant qu'elle vit dans les conditions de la vie présente, ne peut pas voir Dieu par essence, Il faut qu'elle soit dégagée de son enveloppe périssable. En voici la raison, la manière de connaître est toujours en rapport avec la manière d'être du sujet qui connaît. Or, notre âme, dans cette vie, est tellement unie au corps que l'on peut dire qu'elle a son existence dans le corps. Elle ne peut donc percevoir naturellement que les objets qui ont leur forme dans la matière ou ceux que les formes matérielles lui font connaître. Il est évident que l'essence divine ne saurait être aperçue dans les choses matérielles, puisque voir Dieu par des images créées, ce n'est pas voir son essence. Il est donc impossible à l'âme d'un simple mortel de voir l'essence de Dieu ici-bas. C'est, en effet, ce que le Seigneur disait un jour à Moïse, « L'homme ne me verra pas pendant qu'il vivra. » Exode 33, 20. Note. Jacob, dira-t-on, a vu Dieu face à face, Genèse 32, 30, ce qui est le voir dans son essence. Les Écritures disent parfois que certains personnages ont vu Dieu, dans le sens qu'ils ont vu une image qui le représentait. Mais, après tout, Dieu a pu, par un miracle dans le monde des intelligences, abstraire l'âme des sens et l'élever jusqu'à la vision de son essence. Cette merveille il l'a opérée, suivant saint Augustin, à l'égard de Moïse, législateur des Juifs, et dans saint Paul, le maître des gentils. Fin de la note. 12. Pouvons-nous connaître Dieu par la raison naturelle? Saint Paul nous prévient que ce qu'on peut connaître de Dieu par la raison naturelle a été manifesté aux gentils. Romains 1, 19. Les créatures sensibles, ou la raison naturelle puis ses connaissances, sont des œuvres qui n'égalent pas l'énergie de leur cause, et, par suite, elle ne saurait nous révéler toute la puissance de Dieu, encore moins son essence infinie. Mais, comme elles sont des effets qui dépendent de leur cause, elles nous font connaître, d'abord, que Dieu existe, ensuite elles nous révèlent les attributs qui lui conviennent nécessairement, en tant qu'il est la cause première de toute chose et qu'il surpasse infiniment tout ce qu'il a fait. Nous savons ainsi par la raison naturelle, premièrement, que Dieu a des rapports nécessaires avec les créatures qu'il a produites, secondement, qu'il en diffère essentiellement, c'est-à-dire qu'il n'est rien de ce qu'il a créé, troisièmement, que, s'il en est séparé, c'est par supériorité et non par infériorité. 13. Connaissons-nous Dieu plus parfaitement par la grâce que par la raison naturelle? La grâce, incontestablement, nous donne de Dieu une connaissance plus parfaite que la lumière naturelle. En voici la preuve par la foi et par la raison. Premièrement, par la foi, saint Paul ne dit-il pas, Dieu nous a révélé par son esprit des choses qu'aucun des princes de ce siècle n'a connues? 1 Corinthiens 2, 8 et 10. Or, quels sont les princes de ce siècle, sinon les philosophes éclairés par la lumière naturelle? Secondement, par la raison. La connaissance naturelle veut deux choses, des images provenant des objets sensibles, et l'opération de l'intelligence qui en tire des conceptions intellectuelles. Or, sous ces deux rapports, la révélation vient utilement à notre secours. L'infusion de la lumière céleste fortifie l'intelligence, et, d'un autre côté, les images formées divinement dans l'imagination expriment mieux les choses divines que celles qui nous sont fournies par les objets de la nature. Les visions des prophètes en sont une preuve. D'ailleurs, la révélation naturelle est accompagnée quelquefois de signes, et même de paroles, qui servent à manifester les vérités divines. Par exemple, au baptême de notre Seigneur, on voit l'Esprit Saint sous la forme d'une colombe, et Dieu le Père fait entendre sa voix, disant, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, Matthieu 3:17. Faut-il encore ajouter que la foi nous fait connaître les œuvres les plus excellentes de la divinité et des vérités qu'elle pouvait seule nous révéler, telles que l'unité dans la Trinité et les autres. Il est donc évident que la révélation perfectionne la connaissance des vérités divines. Note. La foi et la raison ne donnent pas une connaissance du même genre, on a la foi des choses que l'on ne voit pas. La foi n'a pas la vue des objets, comme les sciences naturelles. Celui qui a vu est celui à qui l'on croit. En résulte-t-il que la foi ne donne pas une connaissance spéciale de Dieu? Non, mais la connaissance est d'un autre genre. Fin de la note. Markandanarchive.org 2020, extrait du tome 1er, d'après Books Google FR. Licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.